بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فما زلنا في القاعدة الثالثة قوازيم ريغل، التي هي أن هؤلاء الذين أشركوا وظهر في النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مفترقين في عبادتهم. Ceux au milieu de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu étaient divisés dans leurs adorations. Et malgré tout, cela ne l'a pas empêché de les combattre. Parmi eux, certains qui adoraient Aïwa, d'autres qui adoraient Aïwa. Man ya'bud ma'adha, kazalik. Non, mais Shams al-Qamar, Ahsant. Ou mais ça. Sabaïa, comme ils disent. Fakulluha shayun wahid. Pas de différence. Tout ça, c'est du shirk. On avait pris l'épreuve, et aussi parmi ceux qui adorent les prophètes, les gens pieux. Et on avait pris l'épreuve de l'interdiction d'adorer les anges, d'adorer la lune, le soleil. Et là, on va continuer, Inch'Allah. Avec l'Anbiya ou Salihin. Après, Inch'Allah, on rentrera dans la quatrième et dernière qa'idah. Qala al-mu'allifu al-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi rahmatullah ta'ala alayhi. ودليل الأنبياء قوله تعالى On l'avait lu le mat, mais on n'avait pas lu le charh. Hier. Là, c'est un acronyme jadid. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه والدليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى والمانة الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوتون بأسلحتهم يقال لها ذات الأنوات فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله جعلنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات الحديث Donc la preuve de l'interdiction d'adorer les prophètes, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit « Ô Issa, fils de Mariam, est-ce toi qui as dit aux gens de me prendre moi et ma mère comme divinité en dehors d'Allah ?» Il a dit « Gloire à toi, il ne me revient pas de dire ce qui n'est pas mon droit. Je ne l'aurais dit que ce que tu m'as... tu sais certes, si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais certes ce qui est en moi. » Je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et tu es le grand savant de l'invisible. La preuve de l'interdiction d'adorer les hommes pieux, la parole d'Allah dans le sens où il dit, ceux-là qu'ils invoquent recherchent auprès de leur Seigneur le moyen de se rapprocher le plus de lui possible. Ils espèrent sa miséricorde et ont peur de son châtiment. Et la peur, la preuve de l'interdiction d'adorer les arbres ou les pierres ou autres, la parole d'Allah dans le sens où il a dit, avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza, ou Manat et les trois autres, qui étaient des noms d'idoles. Et le hadith de Abi Qais ou Abi Waqid Al-Layfi, il a dit, nous sommes sortis, c'est-à-dire en conquête, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers Hunayn, alors que nous étions fraîchement convertis. Et les mouchrikoun avaient un arbre, un jujubier, sur lequel, auprès duquel ils se recueillaient, ils accrochaient leurs armes, qui était appelé Zat Anwat. Donc nous sommes passés près d'un jujubier, nous aussi, et nous avons dit, ô messager d'Allah, fais pour nous un Zat Anwat comme pour eux, ils en ont un. Comme eux en ont un Zat Anwat, le hadith. Donc là, l'auteur, il dit, du moins le commentateur, il dit par rapport à la preuve sur les prophètes, l'interdiction d'invoquer les prophètes. On est pris ou on n'est pas pris, ça ne me rappelle plus. Allez, on est pris une partie. On est pris une partie, ouais, non. Donc l'autre partie qui reste à apprendre, قال وبين الله عز وجل في الآية التي تلي هذه ويقوله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أن الصالحين المدعوين على اختلاف منازلهم الذين يدعونهم من دون الله هم بأنفسهم يرجون من الله تبارك وتعالى القربة ويرجون منه المغفرة ويرجون منه قبول صالح العمل أما هم فإنهم لا يملكون لأحد قربة ولا زلفة إلى الله ولا شفاعة في جلب مصلحة أو دفع ضر وهم بأنفسهم يتنافسون ويتسابقون لصالح العمل ليحققوا ما ذكره الله عز وجل من رجاء رحمته وخشية عقوبته. Donc Allah dans ce verset, c'est-à-dire ceux-là qui invoquent à ceux qui recherchent auprès d'Allah le rapprochement et qui espèrent sa miséricorde et qui ont peur de son châtiment, ceux-là qui sont invoqués, eux sont des gens pieux à la base, quel que soit leur rang, car tu as des gens pieux, des gens plus pieux que d'autres et d'autres moins, ainsi de suite. Donc ces gens-là qui sont invoqués en dehors d'Allah, eux-mêmes invoquent Allah pour leur propre personne, espèrent se rapprocher de lui, espèrent son pardon, espèrent de voir leurs actes acceptés. Car eux-mêmes, s'ils espèrent pour eux, c'est qu'ils ne détiennent aucun pouvoir pour les autres. S'ils nous ont commencé par eux-mêmes, bien évidemment. Ils ne détiennent aucune part dans la décision de l'intercession, ni dans le fait d'apporter un bien ou de repousser un mal. Et eux-mêmes, concurrence dans les bonnes œuvres, afin de réaliser ce qu'Allah a cité comme espoir de sa miséricorde et comme crainte de son châtiment. Et on ajoute que ce verset, il a été dit dans son tafsir qu'il est venu pour deux raisons. Première raison, c'est ceux qui invoquaient Issa et sa mère. Allah béyenne que justement, il démontre que Issa lui-même recherchait comment se rapprocher d'Allah alors que c'était un prophète et un messager, l'un des meilleurs. Et sa mère également, qui était une femme pieuse. Et l'autre tafsir du verset, c'est que parmi les mouchrikoun, certains invoquaient des djinns. Après, ces djinns se sont convertis à l'islam. Donc, en se convertissant à l'islam, ils ont voulu se rapprocher d'Allah, ce moment-là. Et les gens continuent à les invoquer, alors qu'eux, ils n'avaient plus rien à voir. Et quoi qu'il en soit, les deux tafsirs ne sont pas en opposition, au contraire. La base de ce tafsir, c'est le même. Qu'ils invoquent des gens qui, eux-mêmes, n'ont aucune part sur leur propre personne et qui eux-mêmes cherchent à se rapprocher dans l'ensemble là. Donc comment invoquer quelqu'un qui te rapproche alors que lui-même veut se rapprocher? C'est pas marcoul. وهذا من دب الصالحين يعبدون الله لرضا ليرضى عنهم وليأدوا ما أمرهم الله بأدائه وليحقق مراد الله منهم وهم في كل ذلك أهل خوف ورجاء والخوف ورجاء عبارتان عظيمتان محلهما القلوب رجاء في الله عز وجل وخوف منه وأهل الإيمان الحق قد جمعوا بين الخوف والرجاء في جميع عبارتهم ويرجون من الله عز وجل أن يقبلها منهم مع إتيان بأسباب القبول وهي الصواب فيه والإخلاص في العمل وصحة المعتقد. Donc il dit, ça c'est la voix des gens pieux, c'est-à-dire qu'ils adorent Allah afin qu'il les agrée et qu'ils puissent appliquer et réaliser ce qu'il leur a ordonné. Et tout cela, ces gens-là sont eux réellement les gens de la peur et de l'espoir. Ils ont la vraie peur à légiférer, le vrai espoir à légiférer. car ces deux adorations sont énormes et leur emplacement c'est dans le cœur. La peur dans le cœur et l'espoir dans le cœur. Donc ces gens sont les gens de la foi, la vraie foi. Donc ils espèrent dans Allah qu'il accepte d'eux leurs œuvres. Et cela avec des causes d'acceptation. Quelles sont-elles ? À la base, elles sont deux. On les a déjà prises. Et le chir, on a rajouté une troisième. Elle a dit, première cause, que l'acte soit valide, légiféré. C'est-à-dire, je ne fais pas qu'une bid'a. Tu fais qu'une chose, c'est un dalil. Enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième cause, c'est l'ikhlas fil amal. D'être sincère. C'est-à-dire, ça c'est le tawhid. Tu recherches Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais ton adoration, tu ne recherches que lui. Et lui l'a rajouté, sihat el mu'taqad, qu'il est une croyance saine. Pourquoi? Car tu peux trouver des gens qui ont une mauvaise croyance, par exemple un soufi, mais le roula, parmi ceux qui exagèrent, des extrémistes, qui invoquent justement ton cœur Allah, un jour faire une adoration réelle, la salat par exemple, et la font pour Allah. Mais elle ne sera pas acceptée. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a un i'tiqad qui est fasid. Une croyance qui est, c'est de la mécréance. C'est comme le kafir. Il se peut que demain un kafir fasse un acte pour Allah réel. Il veut vraiment rechercher Allah. Mais comme c'est un kafir, il n'a pas d'islam, ses œuvres ne sont pas acceptées. Maintenant, en islam, ils se croient musulmans, ils ne le sont plus. Ils ont fait du shirk akbar, ce qui les a fait rentrer dans la ridda, l'apostasie. Donc quoi qu'il fasse comme action, ce n'est pas accepté. Même si l'action en elle-même elle est valide selon les enseignements de la sunna et qu'ils sont sincères dans cette action en elle-même, à cause de leur croyance corrompue qu'ils ont dans ce qu'ils croient dans les aouliyahs ou dans autre chose, cet acte n'est pas accepté. Donc c'est pour ça qu'il a dit « Sihat et les mu'taqad » qu'il ait une croyance qui soit saine. C'est-à-dire que la croyance ne contient pas du shirk. Maintenant si c'est un innovateur seulement dont la bid'a n'amène pas au kouf, ça c'est autre chose. Mais là il parle de ceux qui ont un i'tiqad facile, c'est-à-dire qui contient du kouf et du shirk. قال هذه الأسباب التي إذا أتى بها العامل فإنه يكون بعد ذلك راجيا بحق وخائفا بحق فلا يغلو في باب الرجاء حتى يأمن بمكر الله ولا يغلو في باب الخوف والخشية حتى ييأس من رحمة الله ولكنه جامع بين ذلك ولذا قال العلماء في شأن حد الخوف والرجاء أنهما كجناح الطائر يجب أن يكونا متوازنين. Donc ces causes citées précédemment sont celles qui font que la personne aura un réel espoir ou un réel espoir que celle-ci soit acceptée. Il aura une réelle également, une peur réelle qu'elle soit refusée. C'est-à-dire qu'il n'exagère pas dans le côté de l'espoir à tel point qu'il se sentira à l'abri du makre d'Allah et ni il sera dans une peur extrême, une crainte extrême à tel point qu'il désespérera justement de la rahma d'Allah. Il est entre les deux. Lui là, il est entre les deux. La vraie peur et le vrai espoir. En faisant des causes légiférées. C'est pour ça que les ulama, ils citent que l'espoir et la peur sont un exemple de deux ailes de l'oiseau, afin que son vol soit fait de façon équilibrée. S'il perd l'une des deux, il va tomber. Et bien toi, c'est pareil. Entre la peur et l'espoir, si tu penches plus pour l'un que pour l'autre, ton adoration ne sera pas équilibrée. Il y aura un khalal dedans, il y aura une défaillance. Donc il dit que le khulasa du verset, c'est que ces gens-là, parmi les gens pieux que les koufars ont invoqués, afin qu'ils leur apportent un bien et repoussent un mal, que eux-mêmes sont des gens qui cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement par la voie légiférée. Donc ils sont innocents d'eux. Et que eux ont la vraie peur et le vrai espoir, la vraie peur du châtiment d'Allah et le vrai espoir d'obtenir sa récompense. Vous voyez, cette récompense que seul Allah peut accorder et cette peur de ce châtiment que seul Allah peut faire subir. Non. Donc après, justement, il cite un commentaire à la partie par rapport aux arbres et aux pierres dans la parole d'Allah où il dit « Afaraytumul lat wal uzza wal manata » Ça c'était Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat, des noms d'idoles. Hier on a cité Lat, c'était une idole, c'est-à-dire c'était un rocher sculpté à une forme particulière. Al-Uzza, c'était des arbres. Et Manat, c'était un gros rocher. Et ces trois-là étaient les trois plus grandes idoles adorées par les Arabes à leur époque. Donc les Mouchrikoun adorent ces êtres inanimés en vue de rechercher, par exemple, la baraka. Qu'ils leur apportent un bien, qu'ils repoussent un mal. Et cela est du Shirk Akbar. Cela est du Shirk Akbar, car c'est Jama'adat. Jama'adat, c'est une chose qui est inanimée. Ces Jama'adat ne peuvent rien faire. Rien du tout. Puis après, il commenta le hadith de Abu Waqid al-Laythi, qui lui-même cita un sahabi, radiallahu anhu, le hadith là, de Abu Waqid al-Laythi et un khilaf quant à son authenticité. Il y en a qui l'authentifient comme Cheikh al-Albani, il y en a qui l'affaiblissent comme Cheikh al-Mokbil. Quoi qu'il en soit, le ma'amal est sahih. Qu'il raconta justement qu'ils sont sortis en conquête al-Hunayn et que les mouchikoun avaient un arbre auquel ils accrochaient leurs armes en vue de chercher la baraka. C'est-à-dire que l'âme après son baraka qu'elle puisse combattre l'ennemi et les défendre de son mal. Vous voyez ? Donc eux, comme ils avaient encore de ces croyances-là de l'époque, à la vue de ce jujubier, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous aussi on a la même chose qu'eux. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a blâmés fortement pour cela. Et ça, ce fut le même acte qui se passa avec Moussa alayhi wa sallam et son peuple. Vous voyez ? Lorsqu'il dit, Banu Israël, il dit, كما قال تعالى اجعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. Ça après là. Que dans le sens Allah il dit que les Banu Israël, ils ont dit: ô Moussa, accorde-nous une divinité comme eux en ont une. Ça c'est après qu'ils aient traversé la mer, qu'ils aient rencontré un peuple qui adorait une divinité. Ils ont dit: on veut la même nous aussi, on en veut une. Qu'est-ce qu'il leur a dit Moussa? Il leur a dit: vous êtes certes un peuple ignorant. Ces gens-là, leurs œuvres, ce qu'ils adorent est caduque et faux. Donc comment vais-je vous accorder une chose fausse alors que vous avez Allah, le vrai Seigneur des mondes, la vraie divinité adorée, la seule qui est digne de l'être, qui est avec vous? Il les a blâmés pour cela. Donc cela démontre quoi? Comme on l'avait cité, l'ignominie de l'ignorance de ces gens-là. Leur ignorance les a amenés au stade de tomber dans le couf et de croire des choses qui sont complètement irréalisables. Tu attends un bien, une chose qui n'apporte de bien ni pour elle-même ni pour que ce soit. C'est une pierre, c'est un arbre, c'est un pendentif, c'est ce que tu veux. Parmi les choses qu'on a aujourd'hui qui sont des porte-bonheur, comme ils disent. Tout ça, ça ne sert à rien. Ces choses ne peuvent rien faire pour toi. Donc, attendre une baraka d'elle ou une défense, repousser un mal ou attirer un bien, cela est du shirk. Car ces choses-là ne reviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces choses-là ne reviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, pourquoi ces sarabans ont été excusés de cet acte? Du fait qu'ils étaient nouveaux en islam. Et ces nouveaux en islam ne connaissaient pas le jugement là-dessus. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam également les a blâmés durement pour ce qu'ils ont fait. Mais aucun jugement n'a été mis sur eux du fait qu'ils étaient nouveaux en islam. Donc en fait, ils ont été excusés par l'ignorance. Maintenant, après qu'ils aient su que la preuve leur soit parvenue, les ulama disent comme Cheikh Othaymin, s'ils avaient continué, là ils auraient mécru. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné, ils ont accepté tout de suite, voilà, c'est fini. C'est ça en fait, quand, comme Allah ta'ala, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَهُ. Ils n'ont pas châtié un peuple avant d'avoir envoyé un messager. Ça, c'est une preuve qui démontre que quand l'argument ne t'a pas été établi, tu n'as pas eu la preuve, tu peux t'excuser pour certains actes. Et maintenant, cette ignorance-là, comme on l'a expliqué, si demain tu as les moyens de connaître et d'apprendre et que tu délaisses, là, tu n'es pas excusé. Tu t'es détourné, tu as délaissé. Maintenant, tu as devant toi des façons d'apprendre et de connaître et tu l'apprends. Là, tu vas apprendre, tu vas pas tomber dedans. Si malgré tout, tu tombes dans l'erreur de ce que tu ne savais pas et que tu n'étais pas en besoin de le savoir, mais sinon, tu es excusé. Mais après, quand la preuve te vient, tu ne discutes même pas. Et tu ne recommences pas après. C'est t'arrêter sur le champ. T'arrêter sur le champ. Je me rappelle, au début, je venais de me convertir. Et à mon travail, il y avait un vieux monsieur sénégalais, il avait une chéchia. Je voulais emporter une, je ne sais pas comment ça s'appelait. Je lui dis, ça s'appelle comment ça? J'aimerais en acheter une et tout. Il me dit, ça s'appelle un porte-bonheur. Je ne sais pas rien du tout. Je suis parti dans les librairies à Couronne, genre dans les magasins, vous avez des porte-bonheur? Je dis non, non. Et personne ne m'a blâmé. Personne ne m'a rien dit. Moi, dans mon cœur, c'était pas genre voulant porte bonheur. Pour moi, c'était juste une appellation. Ça s'appelle la porte bonheur. Pour moi, je pensais pas que ce chapeau allait porter quoi que ce soit comme bonheur. Pour moi, c'était une marque des musulmans. Je voulais montrer que, afficher que, alhamdoulilah, je suis déjà en islam. Je voulais un tchéchia. Pour moi, ça s'appelait porte bonheur, genre une appellation, c'est tout. J'ai pas de croyance dedans. J'ai fait plusieurs librairies. Il y avait des tchéchias qui étaient là. Mais c'est pas ce que je voulais. Moi, j'arrive, je dis, vous avez des porte bonheur qui se portent sur la tête? Il me dit, ah non, désolé, on n'a pas ça. Et aucun m'a dit, mais hey, attends, porte bonheur, en islam, c'est interdit. Personne ne m'a repris. Jusqu'au jour où j'ai appris, alhamdoulilah, la chose. Et après, je me suis rendu compte de l'énormité que j'ai dit ce jour-là. Elle était verbale. Mais elle méritait que je me fasse reprendre. Personne ne m'a rien dit. C'était toutes les librairies de Yikhwan, la couronne. À l'époque, il n'y a pas comme de librairie salafi. Et après, on m'a dit, c'est une chéchia, ça. Je sais pas, on m'a dit que c'est un porte-bonheur. Moi, j'ai cru. J'avais appris, j'avais quelques semaines en islam à peine. Après, alhamdoulilah, j'ai eu ma chéchia. Même, j'ai eu plusieurs chéchias. Non. Quoi qu'il en soit, fais attention. Au début, quand tu connais pas, tu peux dire des choses graves, faut t'en rendre compte, mais faut pas être gêné. Le nouveau, faut le reprendre. Faut lui apprendre. Faut pas laisser dans son ignorance. Qu'elle se fait du mal à lui. Et il se peut que d'autres gens entendent, comme lui ignorant, et répète ce qu'il va dire. Et moi, à la base, comme c'était un vieux monsieur sénégalais, pour moi, il connaît. Bah, il connaissait rien du tout. La preuve que ce n'est pas l'âge qui fait l'expérience. Malheureusement. Rien. Donc là, c'était la fin de ce Qaïda, qui était la quatrième. Et là, on finit, qui était la troisième. Et là, on finit par la quatrième. La quatrième, elle est courte. Elle est très importante également. فقال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أعرضوا شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في رجاء ويخلصون في شدة مشركو زماننا شركهم دائم في رخاء وشدة ودليل قول الله تعالى وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم للبر إذا هم يشركون إذا هم يشركون. L'auteur dit, quatrième règle, que les mushrikoun de notre époque, et lui c'est son époque à lui, c'est même pas la nôtre, c'était vers l'ère 1700, en 1115 à peu près, par l'année en 1115, c'était au 12e siècle. Il dit que leur shirk, de son époque à lui, alors que de la nôtre, était pire que les premiers. Pourquoi? Car les premiers, vous voyez, ils faisaient du shirk dans les moments d'aisance. Mais dans les moments de dureté et d'épreuve, là, ils invoquaient Allah sincèrement. Alors que les mouchikoun de notre époque, leur shirk, il est continu tout le temps. Que ce soit aisance ou que ce soit dureté ou épreuve. Ils sont tout le temps dans le shirk. C'est quoi la preuve? La parole d'Allah dans le sens où il dit, et que si jamais ils montent sur le bateau, c'est-à-dire en mer, ils invoquent Allah par peur justement de la tempête, du naufrage. Ils invoquent Allah sincèrement. Et lorsque Allah les secourt et les ramène sur le rivage, sains et saufs, là, les voilà qui se remettent à faire du shirk. Et ça, c'est Shan al-Insan, ta main, c'est l'être humain, exactement. Quand il n'a pas une chose, tu le vois, il est humble, modeste. Et quand il a ce qu'il veut, il se retourne, il est ingrat. Comme a dit Ta'ala, wa kana al-Insan kafura. Certes, l'homme est ingrat, il dit kafura, wa kana al-Insan kafura. Quand je veux une chose, je suis gentil, une fois que je l'ai, j'ai oublié. Malheureusement. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Reconnais Allah dans l'aisance, il te reconnaîtra dans la dureté. Et justement, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est qu'au moment où tout va bien, demande à Allah sincèrement, et quand la dureté va arriver, il sera avec toi. Mais le contraire, tu risques le khuzlan, l'abandon. Comme ce fut le cas des mouchrikoun. Donc le Sharih dit, Cheikh Zayed Matrali, Khurasat, yani le hasil, yani le qa'ida, huwa bayan anna al-mushrikina fi 'asr al-mu'allif وما بعده أعرض شركا من الأولين. Que les mouchriquins du temps de l'auteur ont un shirk beaucoup plus mauvais, c'est de son temps et d'après son temps, de son époque et d'après son époque, bien plus mauvais et infect que ceux d'avant lui. Car il dit, il démontre bien que les premiers faisaient du shirk dans les moments de calme et d'aisance. Et ils étaient sincères lors de la dureté. قال وهذا هو الواقع يعني أن المعابد التي تعبد في معظم العالم الإسلامي اليوم كالأولياء والمقبورين في المساجد وكالأماكن المعروكة يأمها الناس بقصد التفريج أو لقصد تفريج الكربة أو الكربة نعم وإنجاد الولد وإنزباخ الرزق واتقاء الفقر وشفاء المرض ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله وأما المخلوق فإنه لا يستطيع على مثقل ذرة من جلب خير أو دفع ضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. Donc ça c'est le factuel, ce qu'on voit exactement. Dans tous ces lieux adorés par ces gens, dans la plupart des contrées islamiques, comme par exemple ceux qui adorent les alliés, ceux qui sont enterrés dans leurs tombes, dans les mosquées, par exemple, ou dans les lieux qu'ils visitent, afin de pouvoir trouver une issue à leurs problèmes, de pouvoir avoir des enfants, de pouvoir attirer de la subsistance, de pouvoir se protéger de la pauvreté, de pouvoir obtenir la guérison de la maladie, et autres, parmi toutes ces choses que seul Allah est capable d'accomplir. Car la créature n'est pas capable d'apporter ne serait-ce que un grain de moutarde de bien, d'apporter un bien pour quelqu'un, ou de repousser un mal dans ce que seul Allah est capable de faire. وقال ثم دلل المؤلف رحمه الله تعالى بأن المشركين الأولين كانوا يخلصون في حالة شدة بقول الله تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أخلصوا لحاجتهم ولتفك كربتهم ولم يخلصوا لله صادقين لأنهم إذا زالت عنهم الشدة رجعوا لشركهم وباطلهم كما قال تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Donc l'auteur a pris justement comme preuve que justement les premiers parmi les mouchrikoun étaient sincères lors des moments de dureté. La parole d'Allah dans le sens où il dit que s'ils montaient sur le bateau, ils invoquaient Allah en lui vouant un culte sincère. Et ils étaient sincères pourquoi ? Pour leurs besoins, afin que Allah puisse les libérer et les soulager. Mais en réalité, ils n'avaient pas, ce qu'on va dire, la vraie sincérité. Sans quoi elle aurait été continue. Cette sincérité-là, elle n'est venue qu'à un moment particulier, pour une occasion. Après, là, ça s'est estompé, ça s'est terminé. Dès que la shidda était terminée, ils reviennent à leur shirk et à leur baratil, à leur faux. Comme Allah dans le sens il dit, et lorsque nous avons secouru sur la berge, les voilà qu'ils associent. أما إذا استسلموا لله في أوقات الشدائد وأشركوا بالله في حال الرخاء فهذا هو صنيع المشركين الصنيع الذي لا يعذرهم الله به ولا يبيحه لهم الشرع مهما كانت ظروفهم ومهما كانت أحوالهم إذا كان قد قامت عليهم الحجة الرسالية. Donc, qu'est-ce qui est attendu de toutes les communautés actuellement sur terre, qu'ils soient des gens qui unifient Allah dans l'adoration sincère, qu'il s'agisse des moments de dureté ou des moments d'aisance. En toute situation, tu dois être sincère envers Allah dans l'adoration, ne l'invoque que pour lui. Mais quant au fait qu'il se soumette à Allah seulement dans les moments de difficulté et qu'il lui associe dans les moments d'aisance, alors cela c'est l'acte des mouchrikoun tamam. C'est ça qu'il faisait. Et cet acte, Allah ne les pardonnera pas pour cela. Et que cela n'ait pas été autorisé par la législation. Quel que soit le problème, le shirk est interdit en l'absolu. Le shirk est interdit en l'absolu. Et dit que cela ne l'aura pas pardonné à partir du moment où le message leur est parvenu. Le message leur est parvenu. Ça, c'est la short qu'on a dit, Iqamat al-Hujja. والحاصل أن هذه القواعد طيب avant de dire cela الشيخ الفوزان يسيت له aussi une faïda par rapport à ça. Il dit, et en plus qui montre que leur shirk est akbah, encore plus laid, encore plus immonde, c'est que eux ils étaient les premiers lorsqu'ils faisaient leur shirk, ils le faisaient lorsqu'ils faisaient leur shirk dans les ans, ils le faisaient soit vers des jamadat, c'est-à-dire des objets inanimés comme des idoles, ou soit vers des gens pieux, prophètes ou anges ou autres. Aujourd'hui, ils le font avec les plus grands des pervers. Ils vont adorer, invoquer un qui ne faisait même pas salat, un qui buvait de l'alcool, un qui faisait zina parmi leurs machires des soufiyas. Et eux-mêmes reconnaissent. Lui, chien, un tel, il ne fait plus la salat. Pourquoi ? Il a atteint le stade du yaqin. Comme on dit à Allah, wa'abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur, jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et ils ont traduit ça par quoi ? Ou plutôt, interpréter ça par quoi? Certitude, c'est-à-dire t'arrives au stade où khalas, moi j'ai le yakin, adoration, j'ai plus besoin de la faire. J'ai le yakin, je fais ce que je veux, moi, tout est permis pour moi. Moi je suis parmi les khawas, c'est privé comme on dit, vous êtes les awam. Vous devez suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi j'ai pas à le faire. Chez eux t'as ça. El yakin fil aya adil aya wal maut. Dans ce verset-là, yakin c'est le maut. Adore ton Seigneur, c'est ce que te vient de la mort. C'est-à-dire, jusqu'à la mort t'adores. T'arrêtes pas. Et bien eux, ils ont fait leur ta'wil fasid. Donc de là, aujourd'hui, t'en as parmi eux, ou beaucoup d'entre eux, invoquent ces gens-là lors de Shada'id. Et même Arakha. Dans le bien ou dans le mal, ils invoquent des gens qui sont les plus mauvais de la terre. Donc là, ça démontre que leur chèque est pire encore. Non. Wal-Hasil qal, anna hadil kawa'id al-arba' من أنفع القواعد في باب العقيدة وبيان التوحيد وجلائه وبيان ما كان عليه المشركون على اختلاف أصنافهم وتعدد أممهم وأجيالهم ما ذلك إلا من أجل أن يفقه الإنسان توحيده وأن يفهم دروب الشرك التي حذر الله منها فيجتنب ذلك باطنا وظاهرا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dit donc, pour finir, pour récapituler, ces quatre règles sont parmi les règles les plus profitables, les plus importantes à connaître dans la Aqidah et dans l'éclaircissement du Tawhid. Car il vient pour t'expliquer ce sur quoi étaient les Mouchidekoun, quelle que soit leur divergence de catégorie ou le nombre de leur communauté qu'ils étaient et de leur génération, ils avaient tous les mêmes choubouettes jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que la personne doit bien connaître le Tawhid. Et bien comprendre les portes qui amènent au shirk, comment les éviter et les refermer. Ces mêmes portes que Allah SWT a mis en garde. Naam. Et cela, il doit l'éviter extérieurement ou intérieurement. Extérieurement et intérieurement. Naam. Donc de là, alhamdoulillah, s'achève cette risala al-mufida et son explication. J'espère que ceci soit clair et comprise pour ceux qui en profiteront, bismillah ta'ala. Faiza asabtu faminallah wa za'tartu faminnafsi minash shaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in.